à vous toutes, il est tout pile, bien 13h33 minutes. Bien, bienvenue à tous et à vous toutes. Si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble pendant quelques heures avec l'émission tout simplement Dance Music avec beaucoup de chansons différentes. Juste à l'instant, on a pu commencer l'émission avec Rick Astley, Together Forever, avec un tube qu'on a bien connu dans les années 85. Voilà, donc ben, je vous laisse avec tout simplement Slimane, avec Claquer la porte. Et puis juste après lui, on écoutera tout simplement un des chansons aussi de... Tout simplement, ben, on écoutera la chanson. C'est toujours un peu pareil. Une rencontre, des yeux doux, des je t'aime. On se fait la cour, on s'embrasse avec le cœur. Ça parle de futur, de gosse avant l'heure. On écoute une chanson, et puisqu'on l'aime bien, on se dit bêtement qu'elle nous appartient. On la met fort, on serre fort, corps contre corps. On se promet de recommencer tous les jours jusqu'à la mort. Il n'y a plus rien qui compte, le monde nous appartient. Avant ta rencontre, finalement, je n'avais rien. Des amours, des amants, des âmes sœurs, ça donne le droit de détruire mon cœur. Tu vas claquer la porte encore, comme tout le monde, tu t'en iras. Et même si l'amour est plus fort, il y a des choses qu'on guérit pas. Tu vas claquer la porte encore, mais cette fois je te retiendrai pas. De toute façon je sais c'est mort, puisque l'amour ne dure pas. Un jour on ne sait plus comment, ça part en vie, tout devient comment. Je te dis je t'aime mais tu n'écoutes plus. Quand je t'écris, tu me laisses en vue. On s'est abîmé à force de tenir le coup comme ils sont loin, loin, loin. Les premiers rendez-vous, on garde la face même si c'est cassé. On recommence pour tout effacer. La chanson ne sonne plus comme avant, et on danse plus depuis trop longtemps. Petit à petit, on voit chavirer le bateau, et Rose a laissé Jack couler au fond de l'eau. Tu vas claquer la porte encore, comme tout le monde, tu t'en iras. Et même si l'amour est plus fort, il y a des choses qu'on guérit pas. Tu vas claquer la porte encore, mais cette fois je te retiendrai pas. De toute façon je sais c'est mort, puisque l'amour ne dure pas. Alors, j'ai la tête à l'envers. Alors, dis-moi ce qu'on va faire. Alors, moi j'ai la tête à l'envers. L'amour, dis-moi à quoi ça sert. Tu vas claquer la porte encore, comme tout le monde tu t'en iras. Et même si l'amour est plus fort, il y a des choses qu'on guérit pas. Tu vas claquer la porte. Je ne joue pas au conquistador. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boutes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï.

la música que tú querías escuchar. Simplement, eh bien, le titre Together, c'est tout simplement Bob Sinclair, et après on écoutera tout simplement un groupe tout simplement collectif Métissi. We'll be right back. So turn up the light, make it shine bright. Listen to this. Jamme. Hey! Reggae night. We come together when the feeling's right. Woo! Reggae night. I want to jam until the morning light. Whoa! Many rivers cross. Got to get my fix. Got to catch this ride. I know that they might sing it up tonight. Whoa, come on. Reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. Our world is jumping till the morning light. Whoa, you will find it happens only once a year. So don't miss out on this station. You better lose your best, man. Your life is like a day. So

arc-en-ciel, un amour de la femme. Un petit coucou à Véro, disons la chauffette, voici donc pour elle, bien Céline Dion, le titre s'appelle Prière paysanne et suivi de Goldman. Mmh, les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oublie pas un peu aussi. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière. Quand je me réveille, je loue le jour. loca que me está llamando. Poco a poco vas rompiendo mi paz. Me vuelvo loco cuando esa mirada hace de mí que yo me vuelva nada. He vuelto a caer preso de tu piel. Dime lo que quieras por tenerte siempre, pero lo que quieras así de repente. Hacerme dueño de tus labios y apoderarme de tu mente. Dime que tu juego tiene una salida. Dime que al final tú serás solo mía. Arrodillarme ante tu boca. Vamos a jugar al choca, choca. Choca, choca, choca, choca. Tu labio con lo mío. Choca, choca, choca, choca. Conmigo con lo mío. Choca, choca, choca, choca. Para que te sigo. Choca, choca, choca, choca. Pero muévete conmigo. Manos te tocan, dulce sabor al yo probar tu boca. Tengo un sentido que nunca se me equivoca. Y tu mirada dice que te pone loca. Y cuando te beso, siento que el tiempo para. Quitar tu ropa es el proceso. Pésame y no quería que terminara. Como si fuera primera vez. Tu cuerpo es el agua y aquí yo tengo sed. Se quedó en mi mente tu foto, bebé. Quiero disfrutar de tu choca, choca, tu labio con lo mío. Choca, choca, choca, choca, conmigo con lo mío. Choca, choca, choca, choca, para que te sigo. Choca, choca, choca, choca, pero muévete conmigo. Tus rincones, déjame probar tu lado animal. Dime que tu juego tiene una salida. Dime que al final tú serás solo mía. Arrodillarme ante tu boca. Vamos a jugar al choca, choca. Choca, choca, choca, choca. Tu labio con lo mío. Choca, choca, choca, choca. Conmigo con lo mío. Choca, choca, choca, choca, para que te sigo. Choca, choca, choca, choca, pero muévete conmigo. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc les émissions pour aujourd'hui ainsi que pour demain, mercredi. Voilà donc, eh bien, vous allez retrouver à partir de ce soir, à partir tout simplement, eh bien, à partir de 19h jusqu'à 21h, avec Christophe, l'émission Electric Choc. que pour donc demain, et bien donc mercredi. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et bien donc, juste après, vous allez retrouver tout simplement Victor entre 9h jusqu'à midi avec tout simplement l'émission Festa. Et puis dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, et bien vous allez retrouver Gloria. Voilà donc, on continue avec beaucoup de chansons différentes. On fera les autres émissions tout à l'heure au cours de l'émission. Voici donc, eh bien, je vous laisse avec du country. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.

for you. Where is your hard work? Heaven really needs to do. Open the door. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Michael Jackson avec Thriller et suivi par après de Madonna. Thank you.

arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Voici donc Lily Harmony avec à son regard, et puis juste après, du zouk. De ville en ville, à côté. Dans le rue. Come on. voici donc eh bien, ils sont deux, donc en duo avec début de soirée Nuit de Folie. Ela não vai, não. Vai. Segura o tiro.

Sejam bem-vindos à Rádio Arc-en-Ciel. Estão à escuta da emissão Pausa Musical com a Silvia, todos os sábados do meio-dia às 14 horas, no 96.2 FM. Música e boa disposição. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbino du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous écoutez Traditionnel sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Voilà donc bon, les émissions. Voici donc Traditionnel. Pour après-demain, suivi avec Christine, tout simplement, entre 19h30 jusqu'à 21h. Et puis ainsi pour le jeudi, à partir tout simplement de 9h jusqu'à midi, avec Armel Giraud, Vase de Portugal. Et puis suivi entre 15h jusqu'à 17h avec Chantal, l'émission Groove Tropical. Voilà donc, on continue bien sûr avec les chansons différentes. Et voici tout simplement, et eh bien, je vous dis après, c'est quoi comme chanson. Entre nous, c'est l'histoire qui commence. Voilà, c'est ça le direct. Il n'était pas pris tout simplement en direct, la chanson, mais c'est Chimène Badi, tout simplement, entre nous. Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera. Premier rendez-vous entre nous. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend en son cours. C'est le cœur qui avoue entre nous. Entre nous, c'est la vie qui nous brûle en dessous. Qu'un matin je changeais de sexe. passion par les silences et sur marron. Championne du monde des culturistes et mes ici impératrices. Sans sable jusqu'au fond des yeux quand on a envie d'appeler monsieur. En robe du soir à talons plats qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier mais femme à la cour contrôlée. Galonnée jusqu'au fond de jarter et au steward crouler des pelles. Maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême. S'installer à la présidence et de la faire porter la France. Chanteuse d'orchestre, franc-maçon, une cycliseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte réelle, vendeuse opus. On a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Qu'un jour nous...

recording a track for all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. They just don't care. They just don't care. Le titre s'appelle Caméléon avec Maître James. Je vais on s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah, c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Voici donc Asia, elle et moi, et puis celui de France Gall.

you gonna call? Indochine. L'aventurier. Thank you. femme. Oui, esprit, es-tu là au rendez-vous des libertins? J'ai pris avec moi des femmes jusqu'au petit matin. Donner un sens à ma vie. Écoutez mon cœur, c'est

Arc-en-Ciel, un amour de FM. Voici donc après Corona, voici donc Cartouche, Feel the Groove. Et puis juste après, on écoutera tout simplement Temptation avec Indra. What you thought it is. When I look in the mirror, it just stays clear. Cause when I see your face. Now you don't know what's going on, cause you just think that I've been wrong. But I tell you, babe, what's going on. It is your feeling that's too strong. Together, forever, I can't wait. me blush like Brian Swain. Come on, Irene, how can you forget that I'm so, so, so, yeah, so, so delicious. All of emotion, devotion, making the move, sets us into the groove. Top on my side, nothing to hide. I want to touch, no turning back temptation. Celui qui t'a aimé, celui avec qui